tonelada des îles sont restées. C'est fixé sur le haut de ton corps qui fait de moi le tour. De toi le tour est à tort, j'ai tout de suite compris. Je me suis dit si tu bouges pas tes membres, tu pourras pardonner. Tout tes mots parfois, j'ai pas bougé. Alors j'écris sur tes pommes d'amour, sur tes oreilles. Et je te dis que rond, c'est pas construit en un jour. Moi ça fait trop terrain que je te fasse un. Toi qui dînes dans ton volume, je te si belle fort. Au reste de toi, c'est bien approprié. Thank you. tire dessus. Comme le brigand, comme le bon, dis-moi, de la vie, c'est comme un mari. Bucket. pour savoir où sur ma que je ne parle pas souvent de moi. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais mes mots de bas comme moi, tout de suite, ça tourne. De la bosse au fond, de la bosse au vent, un peu partout en France, dommage, mais dans mon combat, dans ses finances, mais de la bosse au fût, monsieur le président, c'est comme ça, je devrais tester ça tout le temps, trop de besoin de la juste de côté le pont, de la petite échelle, dont ils croient qu'on est les pions, mais en vrai, on est des fous, ils se prennent pour des rois, à cheval, sur un principe, on peut faire des lois, mais.